vous êtes bien connecté sur la fréquence sensible, sur le 105.9 de la radio Hellebore à Chambéry, avec, comme d'habitude, l'émission L'Antichambre tous les jeudis soirs 22h minuit et rediffusion le lundi soir à la même heure. Une émission avec au programme ce soir, eh bien, un petit peu comme d'habitude, l'école du sample de Wine Not reviendra sur un titre d'Oxmo Puccino. Wine Not aussi nous fera plaisir en revenant sur le premier album d'IAM de la planète Mars, où il mixera plusieurs morceaux extraits de cet album ainsi que des remixes qui ont été produits par la suite. Et puis on va commencer l'émission avec deux découvertes récentes pour ma part, en tout cas deux découvertes issues du secteur indépendant des États-Unis. On aura tout d'abord Mighty Kaze avec le titre Liquorland Partout. Donc Mighty Kaze officie au micro depuis 99, il s'est fait remarquer surtout en 2001 avec le maxi White Girls. On l'aime beaucoup car on retrouve dans ses morceaux, aussi bien au niveau du flow que des instrumentales, une influence reggae qui lui vient de son père qui est jamaïcain. Et c'est également un proche, en tout cas il a collaboré avec les Demigods d'Apathy et de Self-Titled, et puis avec Wild Child de Lupac, donc un gage certain de qualité. On aura ensuite après Bambouchet, un des MC et leader du label Vanguard Squad, donc avec le morceau Opération Snatchback. Alors le Vanguard Squad, ce n'est pas un label comme les autres, puisque c'est un label tout d'abord musical. Il est dirigé par Tsega de Los Angeles et de Bambouchet de New York. Et c'est un label, comme beaucoup de labels indépendants, qui met en avant la créativité musicale bien avant le profit. Tout ça pour le plaisir de faire de la musique entre amis et tout en restant authentique. Mais c'est également un organe de presse, en fait, avec ce qu'ils appellent le prolétariat de presse, qui délivre différentes œuvres écrites, aussi bien sur papier qu'en ligne sur Internet, et dans lesquelles ils abordent différents sujets, aussi bien des réflexions sur l'actualité, des essais vraiment littéraires et des ouvrages à la limite du scientifique. Et puis un troisième volet du label, ce sont l'organisation d'œuvres caritatives pour récolter des fonds essentiellement pour la communauté noire. On peut citer un exemple, c'est le travail qu'ils ont fait dans le cadre pour venir en aide aux victimes de l'ouragan Katrina. Voilà, un exemple parmi beaucoup d'autres. Donc deux artistes à suivre de près et à remarquer pour leur talent, et puis surtout parce qu'ils évoluent en indépendant tout en restant authentiques. Ensuite, on aura The Next Man, le duo de producteurs anglais en featuring avec Rodney P, Dynamite MC et puis Cutty Ranks pour le titre Firewalking, qui est extrait de leur album Get Over It. Et on aura enfin The Percussions avec le morceau Leave Her Alone, qui est extrait de leur premier album. Et à noter que les Percussions ont sorti il y a assez peu de temps un deuxième album sur le légendaire label Rocus fraîchement remonté. L'album s'appelle Five Sparrows for Two Cents, et je peux vous garantir que Wine Not nous en parlera dans les émissions qui suivent. Voilà, tout de suite, Mighty Kaze, Liquorland Partout. See, I smoke the kind, but I got a mean streak. In love with the liquor, so I stay with trees.

rocked the boat. We threw the man's body in the bay to see if it would sink afloat. You try to beat a Mac to me, you can't. We got agility. We're taking factories, production plants, and all facilities. We got the gang of motherfuckers. We done ate they weedy, no peace treaty. You're swimming in your own feces. Skipped us, now you're through with us and don't need us. Should've used the rubber, cause this shit developed like a feces. 16 carloads packed full of chicken. I ride a shotgun and my trigger finger's itching. This shit is real. We got the infamy, a fist to drop it off at the spot. 20 targets quick deal. I guess the fuck if you the Army, Navy, or Marines. Ain't shit to lose cause we broke a pack of Uzi magazines. I seen the popo the and flip him the birdie. Six feet in the dirt cause I guess he hadn't heard. Frustrate ya, can't help being great, it's in my nature. Hater, hater, hate to break ya. Spirit, but there's no gimmick here, we lively. Acting like we brothers when you're really not isolated. Surprise me, tell me you ain't so. I know suckers despise me, hate how I whack shows. I can't help being so, L-I-V-E so. I think whack DAs need to be vetoed. Out of here, out of there. Take your pick of any road, cause I'm out to tear the house down. Leaving the ligaments, utter magnificence, got the significance. Ladies and gentlemen, I'm here to recommend a certain specimen anyone else will miss. We're so L-I-V-E so, get over it. We're so L-I-V-E so, get over it. L-I-V-E so, get over it. Try to be tired, but you gotta get over it. So L-I-V-E so, get over it. L-I-V-E so, get over it. L-I-V-E so, get over it. Try to be tired, but you gotta get over it. L-I-V-E. Once again, once again. All of you, ding ding, and I'm about to switch. People up in my mix like I'm John Malkovich. Little green men with bright coats running around. Hype quotes on a clipboard trying to be down. Analyze how we walk, talk, breathe, and move. Put me back on earth, barefoot, I need my shoes. Where's my wristwatch? Thank you, please come again. I left a sorrow too, I know you need some of them. I got you skyscraping with silver specs of planning, lifting blueprints, photocopy patterns of running. Catch a drop of sweat, put it in your petri dish. Scientists quite baffled by the freakiness. Ladies say I got an onstage sexiness. Marvin Gaye said it best, come and get to this. Sky music's up for cutting it with no sores. Lightsaber, Star Wars, size 12, break doors. So L-I-V-E, so get over it. Always wanted but couldn't have or shouldn't have, and under normal circumstances probably wouldn't have. But slightly out of character I set it up, and where we were it's like nobody could compare to her. A bottle shaped slender gal, femme fatale. We met eye contact first and then the smile. See it's been a while, but now it's introduction time. Had to say what's up one time. I called her bluffing off of the line. And lady love ate it up. I told her I was different from those other guys she dated, but I had to say what's up to me. This popular girl that made everybody feel like they on top of the world. And so we dated exclusively. And if I did behave foolishly, I did it cause she made an excuse for me. True that we moved too fast, but I was trapped with this pretty young thing and a abusive past. But as bad as it sounds, I had to have her around and feel comfortable with people we had gathered around. And since I can't stand feeling so dependent, I'm filing for divorce, but she's still my co-defendant. And the verdict for me is an end. You took advantage of the man you love and neither will win. I'll probably meet her again, I can't meet her again. I gotta leave her alone and never see her again and tell her. If there's things in your life that you know just ain't right, we gotta let it go tonight. So everybody tell her. Don't let it get a hold of, control of, I'm saying. Now tell me this. No why you still in my sight? Looking for feelings that we shared, minus five for you. The flame is gone, miss. So why you shading my life? Breaking ties, gaining space, growing further from you. I mean, it's nothing personal, maybe it is. Well, you was feeding the ego, won't fall in blind to your game. Got caught up in your little green web of envy. You bought to be my heart, then turned to be my enemy. I sneak and creep with, claiming as my dick. You were my trophy for my hands to be caressing your hips. You were my medal for my kiss, feeling your lips. Now my conceit for my pride to eat me up inside. You see, you want what you can't have, want what you don't. I'm infected with your disease. You misplacing antidotes and hopes that I'm supposed to cater to your vanity. This is the type of chemistry it keeps on giving me tip of my level head, tripping me in my wrong, ripping my sense of self, stripping me of my thoughts. I gotta make motion, logic over emotion, devotion wasted, torn and misplaced in my arrogance and resentments I hold. See, I can't blame you. See, the fault is my own, and let the truth be known. It's hard to put you aside. Today's for learning, and yesterday is for my pride. And there's things in your life that you know just ain't right. You gotta let it go tonight. So everybody tell them, don't let it get a hold of, control of. I'm saying, l'émission va maintenant continuer avec les deux cousins du Wu-Tang, RZA and Genius, sur le morceau Edge Rush produit par Pete Rock, puisqu'il est extrait du deuxième album de Pete Rock, Soul Survivor 2. On aura ensuite la combinaison de J-Love et Louis Logic sous le nom de The Odd Couple avec le morceau Bully. On aura ensuite un titre extrait de l'album Contacts and Contracts du producteur et MC Detention de Boston. Un album qui est sorti sur le prolifique label indépendant Brick Records, et ce sera encore au micro sur le morceau It's Time. On aura ensuite Dujeus avec le festif morceau Good Green, je vous en dis pas plus, mais le titre parle de lui-même. Et on aura ensuite, on va passer à quelques légendes du reggae, raga, hip-hop de Londres, de la bonne époque. On aura tout d'abord London Posse avec Money Mad. Alors London Posse, c'est une légende de reggae, raga de Londres, en fait, qui a notamment révélé Rodney P, donc un groupe qui officiait fin des années 80, début des années 90, qui a eu une carrière assez ponctuelle, mais qui a vu naître Rodney P, qu'on a entendu tout à l'heure en début d'émission avec les Next Men. Et on aura ensuite, pour finir, alors là c'est même pas des légendes, c'est des pionniers Asher D and Daddy Freddy. Alors des pionniers de la scène ragamuffin hip hop, c'est même un style qu'ils ont inventé hein, à l'époque où KRS-One côté États-Unis explorait aussi le style. On aura Asher Riven, c'est à noter que la combinaison Asher D Daddy Freddy a débuté dans les années 87. Voilà tout de suite RZA and GZA Head Rush. Before the Greeks and the Creeks, before you could stand, before your hands from your feet, from a band or a beat, we would stand on the street, with our hands on our heat, 12 grams, 12 feet away, balled up in a sheet, a Reynolds rap, what's back, need your dental back, your voice get quiet like the voice in the instrumental track, sick from the litmus, son, sick of citrus, my voice unfolds with the soul of the whispers. On the block, we rock loud like the pistols. Up in the crib, my wind's drinking the Harvey's Bristol. Natural flavor, yours be artificial. I blow holes in skin like big nose, who's not essential. They go berserk when the dollar bill is on. The thrill is gone, upgrade to the silicone. That's worth the 4,800,000,000. It's not official till I smack the devil you silly on. From the valleys of Ohio to the sands of Cairo, still hit like the whirlwind King of Rio. Zigzag, zigzag, still puzzled like the jigsaw. You renege, you get jigsaw. Beat Rock exclusive. We bogard the road like trucks on a turnpike. Smoke by the load just to see what it burns like. Architectural design, intellectual rhyme, the bishop strike. Moving on a diagonal line, the rook's trap. Scholars, they want the books back. The piece, they turn the salt the moment they look back. The castle in position made weak by a wing pawn. Makes loose armor from the pressure we bring on. They fired all these shots in the rhymes with mad flares. Kept a cramped game, many posted on bad squares. The king's the kick, the queen's the snare. The bass are minor pieces that move in a pair. Quick to break through, an unparalleled opponent. I do it on a regular, at any given moment. Check the venue, those who make the saga continue. Before you check the credits, the swords is all in you. It's real, it's real, it's real. You know the deal, expose the real. I'm cold as steel, so chill and check these flows I spill. No deal. My lines make MCs lose their motor skills. So ill. I rhyme at your open mic and post a bill. I focus ill and flip raps like flapjacks and backtrack with Bono while you screaming. Where the dad at? The rap pack. Pack a club like knapsacks. Attack whack rappers that lack tracks with back slaps. With ass stack coming through the truest prophets. J Love and Lewis logic. You be stupid thinking you could stop it. Got food for topic. We be eating MCs. Call me MCJ Dama. Eat the meat off your knees. I freak it with ease while you peeping my steeds. Creeping with thieves. Reeking the trees. My EYE's Vietnamese. You'll be deep in the freeze. Iced out like cryogenics. Go and try and set it. But you're on some sweet shit like diabetics. These simple words just don't move me. Don't make me have to call your name out. These simple words just don't move me. Don't make me have to call your name out, mouth, mouth. Your simple words just don't move me. Don't make me have to call your name out, mouth, mouth. Your simple words just don't move me. Don't make me have to call your name out, you're minor. I'm drinking beer till I'm thinking weird, suddenly disturbed. With two shots down, next one'll be my third. I'm a runaway, flasher, upsetting innocent bypassers. Cause I refuse to put my gun away. Buying beer and cigarettes for the underage. Puke into the sound booth and diving from the stage. I become enraged. From sticky summer days of working for the man underpaid. I could give a fuck in each instance to ever reach the distance. Traveling on the path of least resistance. And when the beat is finished, I still continue rhyming. With the breakthrough shit like I'm spilling into hymen. Logic is a sick fuck who loves to get his dick sucked by rich sluts. And wipe my nuts off in the big bucks. I'm too mixed up with motherfuckers on the sly. Flipping you the bird with your mother in my ride. Your simple words just don't move me. Don't make me have to call your name out. Your simple words just don't move me. Relinquish correspondence with the world for a minute. On a mission for Dolo, exposing myself to my soul to see what's in it. Staying relentless with it, making anything that I'm spitting. Pass any litmus test with gritty finesse. See, it's the essence. I hit you with that big city presence. Lessons touch your soul like a small town reference. It's an all lounge session. We pay dues to make pinching. Y'all ready to roll, baby? Check your suspicion. Get on your good foot, get it in gear. Core up in here, holding down half a hemisphere. Rap racketeer, back in black battle gear. Smack dab in the middle of some kibbling bit music. Y'all fool with. See, my style sweet, like allow me. But when I say I speak for the meek, it ain't about me, it's about we. Like when we gon' unite, and when we gon' rise. When my people gon' get that hunger look back in their eyes. It's time. We here to even the score, y'all. Yeah. I came to even the score, yeah. Descendant of Kane, a smooth operator, chopping up game. Let your brain cooperate with my slang. I talk with a twang, encore, yeah, that's the operative name. Shia when I'm talking to dames. Yeah, you want a part of this. Cold-hearted Spartacus, record Roman, show my slider house, mouthpiece, speak to the architect. If you looking for that, this is the heart of it. Y'all know the essence, formerly known as the artist with that backpack appeal. I still bust and spit them gems, but now it's just with different facets reveal. I take it back to him, but used to max a mill up on the hill. Yeah. That's where me and Grand flip facts and pile of steel, yo. I'm talking circa 9-2. Word to God, he hooked the beat. I work a rhyme through like a massage. Got all the kinks out, now be flawless. Oh yes. Bystanders try to find my grammar like the Loch Ness. I got this rap locked in as if it was claustrophobic. Notice me holding mics like a hostage. My words move at the speed of gossip. MCs proceed to breathe the garbage, but I got a conscience. I move hip hop like it's an offense. Popping hot ones from shotguns, so y'all can go ahead and try to change the plays and scrimmage. This here, it came from Kimmett. And ain't no way in hell y'all finna change my image. It's time. I'm here to even the score, y'all. Sing it again. Yeah. Kill Bill and Hillary, exhale in the dog ear. And Kill Killer B, inhale the scented, heavily represented. Hell, I got a penchant for leaving your bags dented and not paying. Hey, sorry, but it's a hot day and I may have promised a lot, but I forgot what I'm saying. Refresh my memory, how much it takes to get bent off the tree and where you get it? You don't bullshit me, only the crystalline. Good green got me open. Let me smell it, I'll only smoke it if it's potent. Hot damn, that's some good smoke, you wasn't joking. Let me roll it up, pull on it, choke on it, and get the flowing cuz. Good green got me open, hoping for the high. Hoping for the high, while I try to spend my life in dreamland. Electronic y'all be smoking, got me focused on the sky. Focused on the sky, close my eyes, spread my wings. The product's gotta be green, not brown or black. Pull the seeds out the sack, what's the reason for that? I'm trying to get it relaxed, like beads on the back. Driver seat cab style while I'm whipping it mad, wild and zoning. Navigating streets like Ronin, without a license, hoping that the spot is open. We smoke dope when it is, we mope when it isn't. Reminisce some fizz, wondering where the rope shitting and can't find it. Never mind it, wish you had sealed it, delivered it, signed it, grinded into fine shit. I'm the chief, keep deep, release the green beast, increase the next leap, cause green got me open, hoping for the high. Hoping for the high, while I try to spend my life in dreamland. Electronic y'all be smoking, got me focused on the sky. Focused on the sky, close my eyes, spread my wings and fly. Good green got me open. Good green got me open. So I'm telling you, by the tree far off, smoke them dreadlock, maga dog breed ya. Hundreds on the treetop, natural purification sea salt. We smoke on the beach ya, we keep the solid ground under we feet ya. Stress with the feet ya, in high time we feet ya. Burn till we hydroponic creature, power till we reach you. The weeds I will teach you. From a truce between a greedy man and big man, we work smoke straight through the weekend. But never reach weeks end. Except for me end up the weak friend. Listen for the underground, we preach it. Them style and fashion and technique, man. Instant Dujeu, c'est le morceau Good Green. Donc Dujeu, on en a déjà parlé dans l'antichambre, un morceau composé pas seulement de MC mais également de musiciens, donc un véritable band qui nous livre une musique variée, festive et très originale. Et puis comme convenu, on va maintenant faire une petite plongée avec deux morceaux dans la scène reggae hip-hop de la fin des années 90 de Londres. Donc une scène forcément très influencée par le côté jamaïque. Puisqu'il y a toujours une forte communauté jamaïcaine à Londres. Le porte-flambeau actuel en est bien entendu Roots Manuva. Et on va écouter donc London Posse, un des groupes légendaires de cette époque, avec le morceau Money Mad. Et puis ensuite le duo Asher D and Daddy Freddy avec le morceau Asher Revenge. Hey. If it no repeat, then they eat who said it's called London Posse. What I tell you? can't sit here holy parna. Like a rough neck, rootless Esperner. Man, I'm doing crime since the times are hard. When I go, sing, shot, wash, rock, drum off a yacht. Then why do you up the dead, gangster youth? You bang the curses, butters off, something like they're not a rock. Sling you up before your things are tough. Why crook, oh, I love to sling your book and car, cause they're hard and you ain't nothing but a potential victim pursued by a muffin now. Could be a kiter, a dipper, a blagger, or a rough neck ragger, brandishing a dagger. But I can't shoot a getaway car, I'm sure it's for a bank that cuts off his job or secure a court. Stick up, you get rough enough to do their stuff. And next minute, then my boss will come for fast enough. Put them palm on him, everybody if you listen, I man. If me come to England, me have it on number one. If me go on, then me come, me have it on number one. Yes, and that the Asha come for flash him patana. Yes, and that the Freddy come for flash him patana. Yes, and musical life I come for flash them patana. Yes, profile come for flash them patana. Umna man, them have to come, them have to listen, I man. Boys and girls, them have to come, them have to listen, I man. Come for Ram dance, come for cock party. Come for Ram stage, yes, for everybody. Yes, the freestyler, yes, so catch up a shady. And I catch me lad, I got round the mic a MC. In a 1, 2, 3, I know, even the 4. Yes, them have to dance, man, they dancing bros. On the unan man, them unan man, them have to understand. Unan man, them have to understand. Boys and girls, them have to understand. Talking to rich and to every poor man. Talking to businessman in Adelana. Which part may come from Jamaica and land? Come for Ram dance, come for Ram musician. Hang on that the Simon, fi hang on Jamana. Hang on profile, yes, fi hang on Jamana. Hang on musical life, and yes, fi hang on Jamana. Yes, I Asha D. Lord with the mic in me hand. Me turn up from the mic and yes, me 6 foot long. You look on Asha D. me a the tall brown man. And yes, I daddy the Asha with the mic in me hand. And yes, I daddy the Asha come for Ram major man. Yes, the foxy lady, she a fi rank on. The sexy girl, yes, she a fi rank on. The white girl, yes, she a fi rank on. The black girl, she a fi rank. Yes, the everybody know them a fi get up on a rock. When the mirror got the Asha with the mic on me chat. Yes, me sit down on the mic like a jam ass man. And up on the racetrack and where you find the ass man. And then sit down on the ass where they whipping at him, man. Every ass start run and then me win the race, man. Now come second lad, me a fi turn number one. 1988, me come fi flash me passion. Yes, and this and you come fi make a million. Yes, daddy, Asha, yes, you full of passion. Anyway, me go, them a fi call me number one. So the una man, the una man, they a fi understand. Una man, the una man, they a fi understand. Una man, the una man, they a fi understand. Yes, the ragamuffin lad, and come fi control the land. Come fi control every husband and every wife. Come fi control every son and every daughter. Come fi control your niece and yes, your nephew. Come fi control your aunt and fi your uncle. Yes, I trouble me the trouble and I bubble me the bubble. You come in at the place, you forget in the double. You grab a young girl and then you start to bubble. Every young boy, they might create miracles. Cool it. Your mama's going on a date. Can you dig that? Dig, dig, dig, dig that. Dig this. Dig, dig, dig, dig, dig this. Dig, dig, dig, dig this. Cool it. Your mama's going on a date. Can you dig that? Can you dig that? Dig, dig, dig, dig, dig this. Load up the phonograph. C'est Oxmo Puccino ce soir dans l'école du sample avec un petit morceau de fiction comme il les aime bien. C'était sorti sur son premier album Opéra Puccino Hitman. Prisonnier Alpha Tango Oscar X Mike Oscar matricule 7500. Enchaîné jusqu'au cou, on roule pour mon transfert. Soit trois gus dans un bus de fer. D'un coup le maton se lève, brièvement m'en brise. La nuque du chauffeur la jette par le pare-brise. C'était mon pote Chiki jusqu'au moment où je demande de m'ôter les chaînes et les menottes. Il aurait jamais dû me braquer, escroc. Personne n'échappe à mon tête à queue. Il a mouru le téléphone. Alors Chiki, je te félicite. Pas ce pudding qu'on fait ça. Je commande des pizzas. J'réponds Tino est fini, jamais le champagne. Alors Tino, qu'est-ce que tu dis de ça? Aurais rez-de-chaussée, sans pute rouge, chaussette Clarks, casquette rouge, Uzi sous la pizza. Ring ring, c'est pour la commande. Y'a mille mecs, je demande où est-il Obi Nicky. Jeté en l'air, la boîte à pizza fait divers sur blesse. 3 secondes pour qu'il soit tous mort. Sauf Donnie Brasco, aka Joey Piston. Depuis le film, je sais qui tu es, t'inquiète pas. Fiston, je bats buter, je te jure, je suis pas une langue de pute. Binicky a lancé un contrat sur ma tête. Deux. Que gars engagé, Tony Mose. Croise, parle à mon Glock, ma tête est malade. La sienne saute sur la moquette, donc on ne se moque si pas. Si je dois buter, tuer, pour fric, si je dois tirer, flinguer, pour ma clique, il faut choisir entre toi et moi. Tu sais ce que je peux te faire, Black Mafia, tu sais quoi pas me si faire. Si je dois buter, tuer, pour fric, si je dois tirer, flinguer, pour ma clique, il faut choisir entre toi et moi. Tu sais ce que je peux te faire, Black Mafia, tu sais quoi pas me faire. Devant chez moi sont postés deux hommes au fort torse, forcément nocifs, porte de Borsalino. J'arrive par derrière en égorgeant et purge. L'autre avant de mourir à son tour donne Tony Mose. On dit pas si, par là qui pourrait piéger mon Garci, l'archifice de pute, l'artificier Tony. Le contrat est sur moi, tout il faut que je m'organise. Faire flipper la firme qu'elle balise quand je verbalise. Par son visite c'est Tony Mose. Forte surprise, ma porte close, ma flow explose. A ma gauche miaule un Merco 5OOSL. C'est celle de Tony Mose. Vroom, je le suis comme une star par une suceuse avec ma Lexus. Négus du crime, de la dream team, des hitmen. J'suis caché dans le sapin, devant chez lui, la nuit tombe. 10 rue Prizzi, s'y habite Tony Mose. Les chiens sont d'ail, j'ai empoisonné la frisky. Ils sont froids, comme des mistes à frise. Puisqu'il fait frisky, sky presque, la vitre est brisée. L'alarme neutralisée, en guise d'arme, bloc 16. Je me bloque au téléphone, démonte la chose, j'y mets le truc. Je mate par la vitre, il pleut, c'est la pleine lune. L'imbécile pionce, je remonte le combiné de ce pouilleux. Quitte son pape douillet, saisis mon brigue, c'est si je dois buter, tuer, pour fric, si je dois tirer, flinguer, pour ma clique, s'il faut choisir entre toi et moi, tu sais ce que je peux te faire, Black Mafia, tu sais quoi pas me si faire. Si je dois buter, tuer, pour fric, si je dois tirer, flinguer. Pour ma clique, s'il faut choisir entre toi et moi, tu sais ce que je peux te faire, Black Mafia, tu sais quoi pas me faire. Content quand je remonte, la pente tombe. On va me régler mon compte comme à Tombstone. Mais Clark s'était lié par les lasses comme une farce. Parce que tout à l'heure j'avais du mal à marcher. J'entends quelqu'un rire. Est-ce toi Tony? Non. Il me dit c'est pire quand je demande. T'es qui? On me répond, laisse béton, c'est moi le Bostino Biniki. Un Uzi chargé dans la bouche pendant qu'un barge. Je frappe mon crâne avec une matraque, un Uzi. À pompe braquée sous la nuque, tout ça, une bande sur les yeux en route vers la planque. Dans la salle de torture, cette ordure dit Pouch, c'est fini, Vlachino, never die. Voilà, c'était le réveil après un fameux rêve de Oxmo Puccino. C'était le morceau Hitman sorti sur le premier album Opera Puccino qui date de 98. Un premier album produit par DJ Mars et que c'est. Et puis bah, pour ce morceau, ils se sont inspirés de Joe Simon and the Main Street. Un morceau qui s'appelle Cleopatra Jones. En fait, c'est le morceau qui fait la bande originale du film Cleopatra Jones. Et bien sans plus attendre, on va s'écouter tout de suite Joe Simon and the Main Street, Theme from Cleopatra Jones. On en profite pour vous rappeler l'émission Good Old Dirty Days. C'est tous les dimanches, tous les mardis de 22h à minuit. Si vous voulez écouter ce genre de son, eh bien c'est à ce moment-là qu'il faut vous rendre sur Relébor FM. You Vous aurez sûrement reconnu le style de Imhotep et Kéops, les DJ producteurs du groupe IAM, et ça nous donne l'occasion de faire un petit retour sur un des groupes légendaires du rap français, notamment une période qui est peut-être un peu moins connue par le grand public, la période de leur premier album IAM de la planète Mars. Là c'est le morceau Keep on Scratching, donc un morceau où n'apparaissent que des DJ comme on peut l'entendre, il y a Dynasty, Cut Killer et Fast J, donc trois DJ qui représentent un peu la crème des DJ en France à cette époque-là, en 91 en tout cas. Et puis on va poursuivre avec trois morceaux donc de cette période. On s'écoutera notamment le morceau Planet Mars, mais un remix, le remix de Easy Moby. On s'écoutera aussi le morceau Hold Up Mental, qui n'est sorti sur aucun album, qui n'est disponible qu'en maxi. Et puis on va commencer surtout par le morceau Red, Black and Green, un morceau très très militant, qui est un morceau phare de l'album de la Planète Mars. On s'écoutera deux remixes. Le premier, vous allez le reconnaître tout simplement, puisqu'il s'agit d'un remix un peu jazzy dont le sample a été réutilisé par Akhenaton plusieurs années plus tard dans son album Sol Invictus. Et puis, deuxième remix aussi, donc tout de suite, on vous laisse avec le morceau Red, Black and Green. Pourquoi tant de haine? C'est vraiment pas la peine. Shuriken te le dira, les hommes sont les mêmes, malgré les pressions et l'argumentation visant à la destruction de ma nation. Même si j'ai grandi au milieu des rues, ayant derrière moi des tas de flics au cul, je me suis vu et je suis m'engagé sur une piste. Les cités de Marseille semblent bien tristes. L'enfance est passée, depuis combien d'amis sont tombés, ne se sont pas relevés. Combien de mères j'ai vu pleurer sur les corps de leurs fils par la mort fauchée. Pendant 7 jours, sur le béton des tours, les larmes de Dieu qui tombaient du ciel. Pour ce monde fou de Satan la cour, je regardais les violences de mes yeux de miel. J'ai vu les feuilles mortes, les arbres en automne, tourner à la couleur rouge vif comme le fleuve de sang qui encore se répand, prend sa source en Afrique et s'étend aux quatre vents. Oh yeah, la note est bien lourde. Tu ne vois pas ce sang, t'as la mémoire courte, où tu fuis tes souvenirs à une idéologie et volontairement tu te la raccourcis. dans ce cas tu es mon ennemi. Viens ici, si ma religion m'enseigne vœu de paix. La paix ne compte plus si je me sens blessé. Tu te souviendras de la couleur du sombre rouge. Tu te soumettras, pas d'accord? Bouge. Toi le frère noir aveugle et sans attention. Rouge est la couleur de la révolution. It began in Africa. A whole lot of talk about the red, black and green. It began in Africa. A whole lot of talk about the red, black and green. It began in Africa. A whole lot of talk about the red, black and green. It began in Africa. A whole lot of talk about the red, black and green. Africa. La rue, combien d'enfants a-t-elle emporté, en a-t-elle eu? Abattu, je ne sais plus le trottoir. Si sombre quand vient le soir. Où la mémoire n'a plus d'espoir sans le trottoir. Noir comme la couleur de la peau de mon peuple, enchaîné par l'esclavage mental. Car l'ignorance est telle que le mal elle emporte. Pour un démon qui se voit fort et frappe à nos portes. Allah Wapa, protège-nous des ténèbres absolues, toi qui peux voir. Toi qui es bon, c'est pas trop tard, n'étant pas parfait. J'essaie de faire de même, je tenterai d'être juste et ça c'est mon problème. Dominer ma rage, être équitable et sage. Tourner la page sur ceux qui se plaisent au bavardage. Plus de xénophobie, ni de politique, rien que l'alliance des poètes afro-asiatiques. Vois-tu ce noir au fond de mes yeux? 40 frères à mes côtés et ils parlent pour eux. Notre pouvoir est tel qu'ici les barreaux de toute prison. Noir est la couleur de l'unification. Confiance en croulant, déclarant des conneries au nom du président. C'est pareil mon frère, pourquoi devrais-je avoir un visa? La terre créée par Dieu n'appartient pas, elle est à toi ou à moi. Ou quiconque s'en voit le droit, l'argent est roi. Passe avant tout encore une fois. C'est une honte de voir les dirigeants à l'assemblée crier, pleurer comme des enfants. Tout est faux, tout pour le dos. Et j'ose le clamer du haut de mon micro. As-tu vu le verre, non pas le pervers? Des plaines souriantes de la terre mère. Enfants déracinés, on a participé à construire le grand pays de la liberté. Les récompenses ont été pour les fils de Cham, le Ku Klux Klan et la guerre du Vietnam. Plus de mensonges à l'avenir, faites attention. Car vert est la couleur de la libération. Rouge, noir, vert, la seule solution. Rouge, noir, vert, la seule solution. On vient de M.A.R.S. C'est l'état d'une farce. IAM live de la planète Marseille. Soleil devient un violent poison pour ceux qui nous enferment derrière une cloison. Une cité à part, plongée dans le noir. De la délinquance des rues qu'on vient le soir. Mais que de mots dépassés, que de phobies. Ici sont des génies du genre Léonard de Vinci. Et voici aujourd'hui juste un cliché de la ville du sud qui brûle à plus de 1000 degrés. Les ninjas qui sont joués comme au tic-tac-toe. Impro et prennent la fuite en zigzag. Yo, la terre est paniquée, normal. Commandeur Akhenaton du vaisseau amiral de la flotte hygiénique de Marseille. Imbécile Barmata ordonne d'une vive voix l'invasion immédiate de la France, putain. KM et Hyde quand se rentrent dans la danse, subissez. Populations éparses, une attaque en règle venue de la planète Marseille. De la planète Marseille. Je tombe dans le vide à cause des parents en harmonie. Sabant le vivant de ma véritable hégémonie. Je suis dans Benoît Jock, me bloque en festoc. Le choc du top, tu le rock et me moque de votre époque. Isolé, éloigné, vous étiez en anoxie. Quand IAM a débarqué d'une autre galaxie, on chip ou en trip, piqué en flip. L'avenue d'IAM est une rencontre du troisième type. Comme à la télé, on est troublé. Mais les visiteurs regardent et disent, mais c'est vrai. Et dans le ciel, vivant dans le soleil. Le vaisseau impérial n'aura jamais de la vision pareille. Ni son équivalent, sans équivoque. Le A majuscule à la science de Monsieur Sport, le mic est monté, les MK de branché, les 16 pistes prêts afin de pouvoir enregistrer. En fait pour abréger, nous allons déclencher une énorme offensive de la cité de fossé. Tout le monde crie, tout le monde trace devant l'attaque des poètes venus de la planète Marseille. Elle-même a subi des tentatives d'invasion française. Des hordes ténébreuses lors des élections qui ne voulaient que diviser la population. Un blanc, haineux et stupide à la fois. Au royaume des aveugles, le borné roi. Je me rappelle ce jour-là, la peur quand 25% ont collaboré avec l'envahisseur. Maudit soit-il, avec le rap, je presse complexe. Rex proteste contre cette secte. Tu vois le genre de mec, la cervelle en se moule. Qui rapplique avec la croix de feu et la cagoule. Le drapeau bleu, blanc, rouge, bouge de la couche. Chez toi, toi et sans la tronche vide que tu touches, hein. Pour la peine j'exige une pénalité pour avoir essayé de tuer notre identité. L'entité extraterrestre Akhenaton attaque encore, ensuite ordonne l'imminence du flot des guerriers Qatar qui viennent se venger arrivant de la planète Marseille. Tu es une autre planète, et pour te diriger, il faut une autre manette. Depuis 5 ans, des rapports nous parviennent, et paraît-il que l'on observe des ovnis dans le ciel de Paris. L'atterrissage du vaisseau IM est proche, nous allons voir les gueules moches et les poches de peur reproches qui AM comme un plafond de terre explose avec les mots et ne fréquente que des gangsters. Sur ce, Akhenaton remercie. À Marseille, à Toulon, la famille Gomis m'a dit la mob criminosicale, les BTF, Baby Vice, l'alliance de l'islam. Ils m'ont fait qu'être et qu'être, sans faire la mélodie. Shuriken et Malek se battent contre les félonies. Mars est-il bien le dieu de la guerre? Oui, guerre est déclarée à la planète Terre. Invasion immédiate par les ondes hertziennes et la première arme des divisions martiennes. Destruction, car la France est une guerre, celle à oser trahir les habitants de la planète Marseille. Spécialement au proxy de la planète de Marseille. La cité de Fort Greene à Brooklyn. Envoie Easy Mobile. Et au point de Shuriken 1991. Lourd comme le rythme qui m'accompagne. Je lance leur sanction qui frappe sans palabre les incultes qui tentèrent de me séquestrer dans un ghetto où il est difficile de s'échapper. Car il est clair que l'ignorance est une énorme barrière, un obstacle à l'évolution autre que guerrière. Mais je me suis un jour pris en main. Je suis parti en quête de précieux bouquins. Aujourd'hui de vos insanités je n'ai que faire le S. L'incréé évolue dans les hautes sphères. Accède au titre de magicien du vocabulaire et vous tient à présent dans ses puissantes serres. Vous avez voulu me priver de toute connaissance. Votre action n'a provoqué que ma soif de quintessence. En omettant de compter un facteur non négligeable, je suis de naissance un insatiable. Partant, cela m'amène à vous prévenir. Gardez un œil sur l'empereur à l'avenir. Parce qu'il n'est plus question de nous tourner le dos, que nous demeurons insaisissables comme le cours d'eau qui risque fort de déborder et d'envahir votre esprit et inéluctablement de le détruire. Vos exactions entraînent un verdict sans égal. Subissez à présent un hold-up mental. Le hold-up mental. On a trop baissé les yeux pour voir le bien le mal, la vérité en face. Désormais j'en aimerais des balles dans mon sac. L'empire oriental contre-attaque en masse. Conduit les philosophies dans un face-à-face. Il y a peu de gens ici-bas qui méritent notre estime. Ignorant notre force unique du crime dans la rime. Capture les esprits, tue l'année, le bœuf et le sang coulera. Et pas du ketchup, le hold-up mental. Pour avancer et ne pas régresser, la révolution armée est dépassée. Mais avec de l'intelligence, le but est s'infiltrer. Ensuite observer pour s'intégrer et dominer. Iota Alpha Mu représente une nouvelle puissance. Change radicalement l'équilibre de la balance. Quoi que l'on fasse, bleu, blanc, rouge interfère. Brûle, envoie le drapeau enfumé dans l'atmosphère. Le bandeau est tombé, j'ai recouvré la vue. Et inculque ma science à mes frères de la rue. Élève-toi, abandonne la technique du mort, tu dors. Et le pouvoir te baisse encore. De rap ne peut être enfermé dans une boîte et pourtant il est comme l'eau glisse entre les mains et te noie dedans. Notre action sera fatale, létale, normale. En première page écrit dans le journal, hold-up mental. Le hold-up mental. Le hold-up mental. Le hold-up mental. Et me revoilà, pensez-vous donc être débarrassé de moi? Vous avez tout faux, quelques mesures ne me suffisent pas pour expliquer que les jeunes pousses ont grandi. Vous vous trouvez face à des baobabs désormais, oui. L'heure est à la récolte du fruit de mes semences, arrosé abondamment par ma persévérance. Aussi, il n'est pas rabaissant de reconnaître Caïen possède un sacré intellect qui va en s'amplifiant au fil des heures, au fil des jours. Accent et neurones assimilant encore et toujours des écrits philosophiques de la Chine antique jusqu'à la terre mère au culte pharaonique. Voilà pourquoi nous réclamons ce qui nous est dû. N'essayez pas d'intervenir, vous ne le pouvez plus. Je pense qu'il est inutile que je vous signale que ce morceau est en lui-même un hold-up mental. This is a hold-up. This is a hold-up. This is a hold-up. Attaque est celle qui prévoit la banque de la connerie de France en proie aux flammes de l'intellect de notre attaque. Les ignorants prennent une claque. Exact, la tactique est élaborée par le Mac. Pas d'adminique et pas de fac. Tic-tac est donné par celui esprit est toujours à l'heure. Moi, le suprême sombre seigneur. Et maintenant l'horloge a sonné ding-dong. Révolte pour ceux qui ne veulent plus être une balle de ping-pong. Goût au premier goût comme une épice typique. Et brûle leur cul par des hémorroïdes. Car nous avons plus de poids que les hommes politiques. Auprès des frères et sœurs fatigués par ces figures cyniques. Nos émissaires l'ont déjà prophétisé. Crié à l'Élysée que la jeunesse va subir un stick-up, un hold-up, un stick-up, un hold-up mental. There's a hole up. There's a hole up. I am particular hold up mental. There's a hole up. It's all swinging radical, pratique un hold up mental. Le little MC pratique un hold up mental. Le MAC aussi pratique un hold up mental. Le côté obscur pratique un hold up mental. Le Buffalo step pratique un hold up mental. Le criminal's goal pratique un hold up mental. I am de la planète Mars pour clôturer la première démission. Restez connectés jusqu'à minuit. Il y a encore une heure de son qui va tourner en boucle. Et rendez-vous la semaine prochaine, jeudi 22h minuit sur 105.9 Radio et les Bords.